avec toutes les nations sur qui j'ai invoqué mon nom. Sur qui j'ai invoqué mon nom. Je reviendrai. j'ai invoqué mon nom.